De temps écoulé, qui jamais ne s'efface, toujours nous fera rêver. C'est une mer, un visage, des yeux qui sourit. Il réveille notre cœur endormi et réchauffe notre corps engourdi. De temps.